Plage 6, l'amour de soi. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes le centre de votre univers. Quant aux autres personnes et votre environnement, ils ne sont que des satellites qui gravitent autour de vous. Or, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne possédez pas vous-même. Pas plus que vous ne pouvez recevoir des autres ni de la vie ce que vous ne vous donnez pas. Le plus grand secret du bonheur, c'est de s'aimer soi-même. Se placer au centre de son existence et comprendre que l'on mérite ce qu'il y a de mieux. Si ce n'est pas ce que vous faites, c'est qu'il existe au fond de vous des programmations dévalorisantes qui vous font probablement traverser des épreuves difficiles. Ne serait-ce que de ne pas vivre la vie à laquelle vous aspirez au plus profond de vous. Vous aimer et comprendre que vous méritez une existence heureuse est la chose primordiale que vous ayez à faire. Car une fois que vous l'aurez fait, alors vous vous apercevrez que vous n'avez plus de limites et que tout vous est possible, quel qu'en soit le domaine. Vous êtes toujours confortablement assis sur un tapis de mousse, adossé à cet arbre qui vous inspire tant. Gardez les yeux fermés et respirez profondément, calmement. Ressentez la force de cet arbre. Maintenant, vous pouvez soit vous focaliser sur l'amour et l'estime que vous avez de vous-même, ou bien songez à une situation qui vous a démontré ou qui vous démontre que vous ne vous aimez pas suffisamment, que ce soit au travers d'un emploi, d'une orientation professionnelle ou d'une relation sentimentale qui ne vous convient pas. Ou bien en négligeant votre physique, ou en cultivant de mauvaises habitudes néfastes pour votre bien-être. Ne jugez pas. Ne condamnez pas, n'émettez aucune hypothèse. Contentez-vous d'y penser. Rien de plus. À présent, écoutez cette déclaration et ressentez l'écho qu'elle provoque en vous. Désolé d'avoir rejeté ce que l'univers a de plus beau à m'offrir. Pardon d'avoir entretenu la croyance que je ne mérite pas ce qu'il y a de mieux pour moi dans tous les domaines de mon existence. Merci de me donner la possibilité de me débarrasser de ces mémoires qui m'empêchent de voir ce qu'il y a de plus beau en moi et de m'aimer plus que tout. Je t'aime. À moi, qui suis un être magnifique, digne d'amour et qui mérite le bonheur. Aux autres, auxquels je donne ensuite cet amour que j'ai envers moi-même. À l'univers qui n'est qu'amour. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono ensemble, à voix haute, alors que vous demeurez focalisé sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Ne demandez rien, ne jugez rien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon. Merci, je t'aime. Désolé, pardon. Merci, je t'aime. Désolé, pardon. Merci, je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Vous ressentez l'amour de l'univers vous envahir progressivement. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime.